Radio Campus, il est 12h. Plus méchant que méchant. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est midi ce 21 mars 2026 et vous vous préparez à écouter sur les 106,6 MHz de Radio Campus, mais aussi de campusfil.com et même de DAB+, Angle d'Attaque, une émission proposée par les trois comités locaux Attaque de la métropole lilloise. Attaque, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Attaque est une association d'éducation populaire et altermondialiste. Au micro aujourd'hui, Didier, Morgane, Christian, Quentin et moi-même aux manettes. Et Christian, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? De quoi va-t-on parler aujourd'hui, Florent ? Nous allons parler de celles et ceux, écrivains, écrivaines, compositeurs, compositrices, auteurs, autrices, poètes, en un mot, des artistes dont les œuvres ne sont pas toujours vraiment visibles quand elles ne sont pas totalement inconnues du public. Et pourtant, il y a du travail, beaucoup de travail, de la souffrance, de l'originalité, de la créativité, qui sont l'expression de leur liberté d'expression. De quoi vivent-ils? De quoi vivent-elles? Combien gagnent-ils? Ou plutôt, comment et par qui sont jugées leurs œuvres par les commanditaires qui vont les rémunérer? Récemment, une proposition de loi a vu le jour au Sénat visant à garantir la continuité des revenus des artistes, une avancée à la suite des rémunérations garanties à ceux des artistes qui sont du spectacle vivant. De tout cela, nous allons parler avec Fanny. Bonjour. Bonjour Fanny, artiste plasticienne qui est en lutte avec d'autres, je crois bien, pour la reconnaissance de votre travail. Absolument, je fais partie du collectif des travailleuses de l'art 59, collectif qui a vu le jour en 2024 et qui s'étoffe avec le temps. Et justement, on défend la PPL, donc la proposition de projet de loi dont vous avez parlé en introduction. Oui, tu peux me tutoyer, ça va aussi. Oui, bah oui, ça roule. Une première question peut-être. Oui, donc ouais, pour commencer... En quoi on peut différencier les auteurs, autrices du reste des travailleurs et travailleuses de la culture ? Alors c'est vraiment une question de statut, puisque c'est vrai que les travailleurs, travailleuses de la culture, on va penser à des statuts salariés en structure dans des institutions. On a aussi les intermittents du spectacle, et il y a nous, cette espèce de masse un peu informe des artistes auteurices, ce qui regroupe plein de professions et plein de réalités de vie différentes. Donc en fait, la particularité, je dirais, de ce statut, c'est qu'il n'en est pas vraiment un. Le statut des artistes auteuristes, c'est plus un régime fiscal qui nous est attribué. On a quelques droits qui sont associés, mais qui restent quand même bien en deçà des droits en fait typiques qu'offre le salariat. Ok, si on revient sur les intermittents, du coup, vous pouvez pas avoir droit au régime d'intermittent quand vous faites votre activité. Non. En fait, alors la dernière loi qui vient un petit peu cadrer ce statut de l'artiste-auteur, c'est une loi qui a désormais 50 ans. C'est un peu daté. On pourrait aisément la réactualiser. En tout cas, nous, on s'y emploie, on essaye très fort. Et cette loi, elle visait à ce qu'on ait, qu'on ait des cotisations pour la retraite, qu'on ait un accès aussi à la sécurité sociale. Donc ça, c'est bon. La sécurité sociale, on y a accès dès les premiers euros touchés, déclarés. Par contre, on n'a pas de reconnaissance des maladies professionnelles, on n'a pas de chômage, et c'est quand même ça un petit peu le point de tension sur lequel on se réunit tous actuellement. C'est que, voilà, nous, on essaye de demander une continuité de revenus, c'est-à-dire qu'on cotise pour la CSG, on participe à la solidarité nationale, mais on en bénéficie finalement assez peu. Et du coup, cette idée de continuité de revenus, c'est pas un régime particulier comme celui des intermittents. C'est plus essayer de demander en fonction justement d'une certaine somme déclarée sur une temporalité donnée, qu'on puisse avoir l'équivalent de 85% du SMIC par mois. En fait, l'une des grosses particularités de ce statut, c'est que les artistes-auteurs vont travailler, produire, sans jamais être rémunérés sur ce temps de travail. Par contre, ils sont rémunérés sur la vente et la cession de droits d'auteur sur les œuvres produites. Et donc, ça veut dire qu'on a des périodes de vache maigre, où vraiment rien ne rentre dans les caisses. Et d'un coup, on peut avoir des sommes assez importantes qui rentrent. Et donc, c'est tout un jeu de trésorerie en interne pour essayer de mener sa barque du mieux possible. Mais ça donne lieu à une précarité déjà, parce qu'on reste quand même globalement très pauvre, et que du coup, on peut avoir des périodes où on s'en sort à peu près correctement, d'autres où on se retrouve complètement le bec dans l'eau. Et donc voilà, ce projet de loi tend à ce qu'on ait enfin une situation qui se normalise, où on ne vive pas avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête constamment, en se demandant comment on va régler le loyer, etc. Et qu'on ait enfin des situations de travail et de vie plus décentes. Et justement, aujourd'hui, pour la plupart, comment vous vivez de votre travail? Est-ce que vous devez avoir un travail à côté? Quel est le pourcentage de personnes qui ont au moins le SMIC? Concrètement. Eh bien, chacun a sa propre petite tambouille, sa petite cuisine personnelle. Donc, on s'inspire justement des recettes, j'ai envie de dire, des uns et des autres. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'essaie de cumuler difficilement emploi salarié et mon activité d'artiste. On y arrive des fois pas, des fois avec des succès un peu limités. Voilà, le problème de ce combo activité salariée, activité artistique, c'est que ça implique de trouver des temps partiels, qui sont du coup souvent des métiers pénibles. Moi, j'ai été femme de ménage, par exemple, pendant un temps. Bon, c'est difficile de cumuler un peu ces vies professionnelles très alambiquées et très, très hétéroclites. Donc, il y a ça. Et sinon, je pense que quand même, une grosse majorité essaie à tout prix de s'adonner exclusivement à l'activité artistique. Et dans ce cas-là, ces personnes vivent à côté du RSA, de l'ASS, donc vraiment les minimums sociaux. Et en quelques chiffres, les artistes-auteurs sont quand même globalement, à l'échelle nationale, des gens assez pauvres. J'ai quelques chiffres sous les yeux, je vais essayer de vous retrouver. Vas-y, ça rapidement. On est friands. C'est parti. Alors, les chiffres datent un peu parce que malheureusement, on n'a pas eu d'études qui ont permis de les réactualiser récemment. Mais pour donner une idée, comme ça, une échelle de grandeur, le salaire annuel net médian d'un Français dans le secteur privé en 2021, encore une fois, les chiffres sont ce qu'ils sont, ce salaire annuel net médian, il est de 24 000 euros par an. Si on compare ça avec, du coup, les artistes-auteurs, l'assiette de cotisation médiane pour les artistes, elle est de 1530 euros, ce qui équivaut environ à 120-130 euros par mois. Ce qui est vraiment très insuffisant pour vivre, c'est on sûr. Est d'accord. Et quand on parle des artistes, on parle de tous les artistes, c'est le... Alors, justement, très bonne question. En fait, artiste-auteur, on s'en rend pas forcément compte. On a un petit peu cette image d'Épinal quand on pense à l'artiste, de dire oui, c'est le poète maudit dans son coin ou un peintre, voilà. En fait, ça regroupe quand même une réalité de production et de domaine d'application très, très vaste, puisqu'en fait, l'immense majorité, finalement, c'est plus autour des métiers du livre. Les écrivains, écrivaines, les auteurs de récits, les auteurs de l'écrit, pardon. Ça représente vraiment une écrasante majorité. Derrière, on a les auteurs, compositeurs, compositrices, on a les photographes, on a les graphistes, on a les plasticiens, plasticiennes, qui sont quand même assez minoritaires. Mais voilà, ça représente les métiers de plusieurs branches, donc prioritairement les métiers du livre, les auteurs, les artistes plasticiens, tout ce qui a trait à la musique, à la composition, le multimédia, le design, le graphisme. Mais du coup, j'allais dire métier du livre, ça, actuellement, ça peut aussi regrouper des auteurs qui peuvent faire des textes pour des jeux vidéo, des trucs comme ça. Oui, oui, ouais. Le jeu vidéo est aussi représenté parmi les artistes auteurs. Mm-hmm. Okay. Et il y a aussi les traducteurs. Absolument, c'est vrai qu'on pense assez peu à eux, mais on les inclut justement dans ce domaine métier du livre. Oui. Ok, oui. Okay. Et puis les journalistes aussi, ça c'était un peu particulier, j'avais vu citer, mais bon, c'est peut-être des statuts qui. Parce que souvent, il y a les journalistes qui travaillent au. Comment on appelle ça ? À la pige. À la pige, oui, mais du coup, C'est ça. En fait. Pour certains métiers, on peut avoir comme ça des espèces d'équivalences où on peut réfléchir entre des statuts plus conventionnels, salariés. Mais oui, effectivement, il reste encore quelques journalistes qui ont ce statut d'artiste-auteur. Et la part du droit d'auteur, ça peut être important pour ou c'est un peu une exception, on va dire, dans la part du revenu. Alors une exception. Je ne sais pas si on peut aller jusque là. En tout cas, et c'est ça la grosse particularité en fait de notre statut et le pourquoi ces luttes sont un peu délicates et difficiles à comprendre, à cerner aussi pour bien légiférer autour de ça, c'est qu'on n'est pas considérés comme des travailleurs, des travailleuses, mais plus comme étant des détenteurs de biens patrimoniaux. En fait, quand on cède des droits d'auteur, on cède des droits sur un bien qui nous appartient. On n'est pas considérés comme vendant un produit ou un service. Dans les faits, c'est vrai que le droit d'auteur, il reste quand même, j'ai l'impression, un peu minoré. En tout cas, moi, si je parle de mon expérience personnelle, pour vous donner une idée, alors déjà, petit point technique. Les artistes auteurs dépendent tous de l'URSSAF Limousin. Pourquoi le Limousin ? Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, moi, je déclare du coup mes revenus à l'URSSAF Limousin. Et parmi ces revenus, il y a un pourcentage de ce qu'on appelle les revenus accessoires. C'est-à-dire que mes revenus principaux, c'est censé être du droit d'auteur, mais que dans une certaine mesure, je peux aussi déclarer des revenus qui sont considérés comme accessoires à ma pratique, mais qui pour autant sont quand même ceux qui finalement me rémunèrent le mieux, le plus, en tout cas le plus fréquemment. Et ces revenus accessoires, ça correspond à des ateliers de pratique artistique, des visites d'ateliers, des choses comme ça. Mmh. Des choses plus en contact avec les publics et plus autour d'enjeux d'éducation populaire et de rencontres et d'apprentissage. Ouais, ou quelqu'un qui va faire une résidence dans un lieu de santé. Moi, quand j'étais à l'Espoir, il y avait un auteur. Un artiste qui venait pour faire des œuvres, faire de la danse, des trucs comme ça. Tout à fait. Il faut savoir que, pourquoi aussi la naissance de ce collectif ? Désolé, je vais un peu dans tous les sens, ça s'y prête bien, je trouve. Le collectif est né aussi d'une nécessité de nous rencontrer, de discuter de ces vécus, puisqu'en fait, le vécu des artistes est quand même relativement solitaire et surtout il y a une espèce de mise en concurrence permanente sur le marché de l'emploi. En fait, c'est difficile de faire ami-ami avec d'autres artistes et de se dire tiens, t'as vu passer cet appel à projet et machin, puisque évidemment, plus de personnes sont au courant du dit appel à projet, plus de personnes y participent et plus potentiellement la place risque de me passer sous le nez. Ce qui est vraiment une stratégie désastreuse à mon sens et à notre sens, à tous dans le collectif, puisqu'en fait ça crée des mises en concurrence qui visent à tout niveler par le bas et que du coup, si on n'a pas connaissance du marché de l'art, du prix en fait, de notre travail, de comment chiffrer, les histoires de coûts, de combien on vend notre production, c'est très peu clair, c'est assez peu réglementé et du coup ça... Voilà, c'est comment chacun s'y retrouve en sachant que, encore une fois, comme on est extrêmement précaire et qu'on part du principe que c'est difficile d'en vivre, il y a un espèce de nivellement par le bas permanent qui se met en place. Pourquoi je raconte tout ça ? Parce que là, on parlait justement... c'est comment tu disais Des gens qui font des résidences dans des lieux de santé ou... Oui. C'est qu'en fait, on a aussi toute une offre proposée par l'État pour... alors, ça porte plein de noms différents, hein, les CLEA, des choses comme ça, où on va justement redynamiser des territoires, intervenir dans des écoles, des choses comme ça. Et là, on fait une résidence. Donc, on distingue plusieurs types de résidences, des résidences mission, des résidences en territoire, etc. Il y a toute une typologie comme ça. Et dans ce cadre-là, ce n'est pas considéré comme du revenu accessoire. Voilà. Il y a des petites subtilités comme ça, et il faut jouer aussi avec une connaissance du territoire et de l'offre publique pour essayer de tirer son épingle du jeu, quoi. Mmh. Ok, et ouais. Moi, j'avais une question, du coup, pour revenir. En fait, on a une situation qui serait comparable à celle de travailleurs indépendants. Absolument. Et donc, du coup, avec un accès limité à la retraite, avec pas de possibilité de chômage, et aussi avec le poids des mutuelles, des complémentaires santé, qui est apporté, qui n'est pas assisté par une entreprise comme dans le statut salarié. C'est à peu près ça, le tableau aussi. Tout à fait, oui. En fait... Bon, encore une fois, il y a plein de sujets qui se télescopent, mais on cotise pour la retraite. Le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs scandales avec les OGC, donc c'est les organismes de gestion. Ces organismes ont collecté des cotisations qu'elles n'ont jamais reversées. Donc en fait, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont en panique, et à juste titre, puisqu'en fait, ils ont cotisé pendant des années pour une retraite dont ils ne verront jamais la couleur, puisque l'OGC en question, l'AGSA, actuelle 2S2A, a complètement foiré sa mission, en fait, simplement. Oui, tu disais, c'est le point de départ, c'est les premières lignes de la proposition de loi. C'est l'introduction à la proposition de loi. C'est Jean-Marie Gustave Le Clézot qui n'a pas eu ces trois mois de cotisation versée. Et donc, il était victime de l'AGSA, tu dis, c'est ça ? L'AGSA. Oui, l'AGSA, qui a été rebaptisée 2S2A pour faire passer la pilule et dire « Vous avez vu, on a changé, on n'est plus les mêmes. Ce sont rigoureusement les mêmes, méfiez-vous. » C'est eux qui n'ont pas versé la caisse nationale. Absolument, voilà. Les cotisations ont bien été collectées, mais ensuite, il y a eu tout un micmac en disant bah « Oui, mais en fait, vous ne les avez pas réclamées. » Donc, bref, une histoire alambiquée et complètement scandaleuse. On se demande où est parti l'argent. Rendez l'argent, s'il vous plaît. Quentin, tu prends la suite. Oui, bah, du coup, on peut parler de la proposition du collectif. On a une image d'ensemble qui est plutôt claire a priori. Donc, il y a une proposition qui a été posée, qui date de 2024. Oui, tout à fait. Et quelle est-elle ? Alors, quelle est-elle ? Cette proposition s'appelle « Pour une continuité de revenus ». Je vous invite à consulter sur internet, puisqu'en fait j'ai sous les yeux un charmant livret rouge, voilà, c'est mon livre de chevet. Vous pouvez en retrouver le contenu intégral sur le site internet en question, pour une continuité de revenus. Alors méfiez-vous, parce que l'opposition a essayé de faire un site ressemblant, avec un nom ressemblant, mais qui portent pas du tout les mêmes revendications, donc voilà. Ouais, j'ai l'adresse exacte, c'est continuité-revenu au pluriel.fr. Voilà, notez-le bien, c'est important. C'est assez simple, ça va là. Ça va. Et du coup, alors, pour rebondir justement sur cette histoire du scandale de la GSA actuelle 2S2A, dans notre proposition de loi, déjà, on réclame des élections professionnelles, pour qu'on ait enfin des organismes qui nous représentent réellement et qui servent nos intérêts plutôt qu'ils se gavent sur notre dos, puisque c'est un peu de ça dont ils retournent. Et surtout, il y a toute une proposition de jeu financier, on va dire, en interne, pour nous permettre une continuité de revenus. Et donc, comme je disais tout à l'heure, de permettre, si on déclare sur une période donnée un certain nombre d'heures travaillées SMIC, voilà, 300 heures payées au SMIC, voilà, ça représente une certaine somme, ça peut ouvrir l'accès à une compensation sur les périodes creuses qui équivaudrait à 85% du SMIC. Voilà. Puisqu'en fait, on cotise à la CSG. On aimerait qu'une partie du coût de ces cotisations aille à l'UNEDIC et donc soit traitée pour nous permettre, enfin l'UNEDIC, la caisse du chômage du coup. Et pour financer ce projet, on demande également à nos diffuseurs. Les diffuseurs, ce sont les gens qui vivent finalement du travail des artistes et qui l'exploitent pour gagner de l'argent. On demande à nos diffuseurs de revaloriser la cotisation qu'eux-mêmes versent pour nos droits, la revaloriser de... Alors, j'ai noté les chiffres, hein. Je suis très nulle avec les chiffres, je m'en excuse. Alors, actuellement, les diffuseurs, ils versent 1,1% de l'argent engrangé, ce qui est absolument ridicule. On demande une revalorisation qui reste assez ridicule, mais qui pour nous changerait quand même beaucoup de choses. On demande de la revaloriser à 5,15% de leurs bénéfices. Ce qui reste quand même, c'est important de le rappeler, 8 à 9 fois inférieur à la moyenne nationale. Voilà, pour des cas de figure comparables. Quand on parle de diffuseur, on parle d'éditeur, de libraire, de maison de disques, c'est ce type de structure ? Oui, tout à fait. Alors, pas les libraires, mais vraiment, oui, les maisons d'édition, les maisons de disques, les structures culturelles qui organisent des expositions, etc. Voilà, cette petite majoration supplémentaire nous permettrait enfin d'avoir un niveau de vie décent, en tout cas, je pense que malgré tout, on resterait un peu à la limite du seuil de pauvreté, mais au moins, on pourrait permettre aux artistes d'avoir des conditions de vie minimales pour leur permettre de vraiment se concentrer sur leur travail, éviter de s'éparpiller en 3000 jobs qui finalement les épuisent, et ça représente aussi un coût pour les collectivités, hein, cet épuisement professionnel. Mais aussi et surtout de sanctifier un petit peu la création. Enfin, on est quand même dans un pays qui se targue de sa culture, de voilà tout ce qu'on peut mettre en avant, de liberté d'expression et tutti quanti. Donc là, on pourrait enfin permettre aux artistes d'avoir les conditions matérielles de base pour pouvoir produire quelque chose de cohérent, de concret, qui soit, artistiquement un peu plus qualitatif, simplement, quoi. Mais combien vous êtes, au fait ? Est-ce que vous savez ça ? Est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus ? J'ai un chiffre sous les yeux. Alors, pareil, ces chiffres datent un petit peu, malheureusement, ça date de 2022. Mais bon, j'imagine que l'écart doit pas être monstrueux. On comptait 180 000 artistes auteurs actifs. Parmi ces 180 000, il y en avait 109 000 à l'époque qui étaient sans revenus complémentaires, donc qui vivaient à côté du RSA, de l'ASS. Et aussi, chose importante quand même à souligner, alors pareil, je recherche dans mon petit carnet, sur ce panel de personnes, il faut quand même noter qu'il y en avait environ 10% qui déclaraient 0 euros de revenus artistiques. Donc 0 euros de revenus artistiques, on pourrait se dire, oui, bah, très bien, ce sont des gens qui ont le statut, mais qui n'en font rien, qui n'ont pas d'activité artistique, qui ne travaillent pas. Pour revenir à mon cas personnel, moi je pense que quand j'ai déclaré que je me suis inscrite en qualité d'artiste-autrice. J'ai peut-être eu 2 ans où j'étais au chômage, où je ne faisais que produire, mais que par manque de réseau, de connaissances des institutions, on peut travailler énormément sans finalement jamais vendre, jamais être vu. Et ça, ça représente quand même une réalité aussi des jeunes artistes-auteurs qui essaient de se lancer dans une carrière et qui, des fois, se mangent un mur et simplement renoncent parce que c'est trop difficile à tenir, quoi. Donc, il y a des vocations. Oui, c'est terriblement frustrant, oui. Mais même aujourd'hui, hein, même là, maintenant, pareil, à titre personnel, voilà, j'ai quelques revenus de mon activité artistique. Ils sont pas du tout suffisant pour en vivre, mais voilà, il y a des petites maigres pistes qui s'ouvrent et qui sont quand même enthousiasmantes et qui font du bien au moral de toute façon. Mais oui, en termes de vécu, on reste quand même dans des choses terriblement précaires et voilà, il faut de l'énergie, quoi. Ce qu'on peut penser aussi sur les déclarations de personnes qui gagnent 0 euros, c'est qu'on parle de personnes qui écrivent des livres, oui, qui dessinent des bandes dessinées, qui composent de la musique. Ça prend beaucoup de temps et donc c'est potentiellement aussi normal, quand on commence quelque chose, de travailler pendant un an sans avoir de capacité de sortir quelque chose qui puisse être vendu. Tout à fait. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment cette espèce de dichotomie où on se dit, voilà, on va consacrer X temps à une production sans avoir vraiment de certitude de combien d'argent va tomber au final, mais où ça crée vraiment des yo-yo comme ça dans nos moments de vie, où on peut avoir une extrême pauvreté et puis d'un coup des sommes plus importantes qui tombent. Voilà, là au moins ce projet de loi il permettrait de lisser un petit peu les choses et de voir l'avenir un peu plus sereinement. Autrement dit, ceux qui vivent de leur art sont extrêmement peu nombreux. Très très très peu nombreux. Parce que pareil, si je reprends les mêmes chiffres là, donc sur cette base de 180 000 artistes en 2022, on en a 10% qui touchent, allez, est-ce que j'arrive à lire, 26 000 euros par an. Ouais. Et donc 26 000 euros, c'est alors juste au-dessus déjà du salaire annuel net médian que j'ai pu donner tout à l'heure des salariés du privé. Donc c'est pas mirobolant. Mais surtout, je pense que déjà dans ces 10%, on a aussi des écarts très forts. Il y a peut-être une poignée qui vraiment ramassent de l'argent et d'autres qui s'en sortent ric-rac, quoi. Donc vraiment, oui, les 10% les plus riches ne sont finalement pas si riches que ça. Ouais, pour l'anecdote, George Lucas, en fait, avant la sortie de la diffusion de American Graffiti, alors qu'il était en, j'ai pu pré-production ou production de Star Wars, en fait, il bouffait du riz au ketchup, en fait. Et du coup, oui. Bah, et puis j'ai toujours beaucoup d'amis qui ont pas envie d'être George Lucas, mais oui, c'est un peu désespérant quand on voit la vie qui avance, des gens aussi qui ont des parcours de vie familiale contrariés à cause de ces questions financières. Comment on fait quand on est mère célibataire, j'en connais, qui sont artistes et qui doivent assurer leur pitance, celle de leurs enfants, etc. Enfin, ça crée énormément d'angoisse, de frustration. Et ça, c'est des choses qui pèsent horriblement dans la quotidienneté d'énormément de gens, quoi. Ouais. Ouais. Vous battez pas. Je sais pas. On passe à... Des mains se lèvent. On peut encore dire un mot sur la partie 2, s'il y avait d'autres choses à dire ou... On a déjà parlé du coup des effets attendus. On voit que c'est une mise à contribution des diffuseurs qui permet ça, une reconnaissance par rapport à la CSG. Est-ce qu'il y a d'autres éléments par rapport à cette proposition qui seraient à clarifier ou est-ce que ça résume bien l'ensemble? Oh, en vrai, je pense que ça résume bien. Alors, je suis pas économiste et vous avez quand même invité Aurélien Catin, qui est un peu la superstar en le domaine, il y a quelques séances de ça. Donc, voilà. Moi, la connaissance, en tout cas, un peu simplifiée que j'en ai, c'est celle-ci. Et encore une fois, pour plus de renseignements, de détails, allez voir le site Continuité de Revenus, parce que vraiment tout le détail technique s'y trouve. Et voilà. Il y a un point que je voulais aborder, parce qu'ici, on a déjà invité des personnes de Réseau Salariat. Et est-ce que le collectif a des liens avec le Réseau Salariat, par exemple ? Ben absolument. Ben, comme je disais tout à l'heure, vous avez déjà invité Aurélien Catin, qui a beaucoup travaillé justement sur cette petite plaquette continuité de revenus. Donc, le monsieur connaît bien son sujet. Et, par exemple, on a invité Romain Casta récemment pour... la publication de son dernier livre à un événement à la condition publique, bon, qui a été assez peu suivi, mais on va travailler à essayer d'avoir un peu plus d'influence et de visibilité. C'est le genre de combat qu'on connaît bien, malheureusement, se battre pour la visibilité. Mais oui, on a des liens avec le Réseau Salariat. Je pense qu'on sera amené à recroiser Romain Casta prochainement. Voilà. Et voilà. Ok. Oui, je me posais une question. Vous n'êtes pas mutualisé, vous n'êtes pas mis en, vous n'êtes pas organisé en mutuelle en fait. J'étais une mutuelle privée, je veux dire. Non. Non, j'ai pas pensé à ce genre de. Bah écoutez, je vais me le noter. Je le propose. On serait ravis. Peut-être que ça existe. Moi, je ne connais pas tout non plus. Mais ouais, non, pas à ma connaissance. Est-ce qu'on passe aux actualités donc de ce projet de loi, où en est justement cette proposition de loi au niveau du... Eh bien, malheureusement, elle s'est perdue en cours de route. Bon, voilà, on a toujours ces outils, on y tient beaucoup et on va continuer à les marteler à qui voudra bien nous écouter. Ça a été un petit peu les montagnes russes émotionnelles, puisque le texte de loi était passé à l'Assemblée en mission flash. Elle avait été retenue. Elle devait ensuite passer au Sénat. Et malgré tous les efforts de Monique DeMarco, qui est du coup sénatrice écolo, qui a beaucoup défendu et mis en avant ce projet de loi, eh bien, ça a été malheureusement retoqué. Donc, pour l'instant, voilà, retour dans les limbes de la proposition de loi. Mais on sait qu'on a été entendu. On sait que ce qu'on demande n'est pas non plus délirant. On ne demande pas des efforts surhumains. Juste, voilà, quelques petits arrangements pour permettre de quand même considérablement améliorer le quotidien d'énormément de personnes. Donc, on perd pas espoir. On sait que notre parole a été entendue une première fois. Bon, bah, la prochaine fois, on criera un peu plus fort, quoi. Voilà. Et c'est-à-dire, c'est pas passé en commission, c'est à quel endroit que ça a bloqué, du coup? C'est au Sénat. Il y a eu un vote au Sénat et le Sénat l'a refusé. Donc, retour case départ. Okay. Mais la case Assemblée a été cochée. Donc ça, c'était quand même une belle avancée. En tout cas, on a vu qu'en face, on avait quand même des gens réceptifs. Bon, la Macronie a évidemment essayé de s'emparer du truc et de faire une version édulcorée et complètement stupide, puisque, comme je vous parlais tout à l'heure de la GSA, nouvelle 2S2A, ces OGC, ces organismes, ils ont quand même énormément de poids, ils sont capables de faire pas mal de lobbying, et c'est ce qu'ils ont fait auprès des macronistes, qui sont assez réceptifs à ce type d'exercice. Et donc, ils ont fait une version, mais qui va à l'avantage des OGC, des organismes de gestion collective, et donc qui est complètement vidé de sa substance et qui nous vient plus du tout en aide. Voilà. Ouais, c'était justement la question. Ah, vas-y. Non, je veux dire, il y a eu quand même des grandes mobilisations du secteur des intermittents, des artistes dans les années 2023, avec aussi des occupations de théâtre, etc. Ça a quand même, pour votre mobilisation, ça a quand même donné un coup de pouce. Oui, clairement. Alors après, je pense qu'on est assez sensible au fait que on veut pas menacer nos amis les intermittents du spectacle en essayant de s'amalgamer en fait avec leur statut. je pense qu'eux auraient peur aussi qu'on retouche à leur statut pour qu'ils perdent en droit et en considération, qu'ils ont quand même eu beaucoup de mal à obtenir et qu'ils ont aussi du mal à maintenir en place. Le MEDEF a relevé la barre d'ailleurs du nombre d'heures. Tu avais noté ça, Didier, je crois. Oui, c'était à passer de 500 heures. On ajoutait 50 heures de plus, je crois. Enfin, c'était 10%. Alors que, pareil, enfin, pour connaître des intermittents du spectacle, obtenir le bon nombre de cachets pour la fin de l'année, c'est vraiment pas évident. Donc voilà, on n'a pas envie de précariser ce système qui est peut-être un petit peu fragile. Voilà, nous, on essaie vraiment de faire notre truc dans notre coin. On se côtoie, on se connaît, on s'apprécie. Il n'y a pas de souci. Ouais. Mais on est vraiment sur deux luttes, sur deux niveaux différents. Voilà. Ouais, moi j'allais dire, il y avait une question sur la situation de la GSA, mais. On a déjà pas mal répondu, pas mal parlé, ouais. On leur a pas mal craché dessus, c'est bon. On a le temps de parler du festival d'Angoulême, du coup, je pense. Avant toute chose, peut-être aussi parler de l'actualité du collectif, parce qu'on a quand même des petites choses aussi qui se mettent en place quand même. Il faut le dire au micro, ça c'est sûr. Bah oui, j'en profite, je suis là. Du coup, tous les premiers jeudis du mois, on se débrouille pour maintenir une petite permanence où voilà, tout type d'artiste-auteur déclaré ou non, quelle que soit votre situation, si vous voulez rencontrer des pairs, discuter de la vie, de choses et d'autres, vous êtes les bienvenus autour d'un verre. Donc on essaie de faire ça dans des cadres un peu différents, on essaie de bouger de quartier en quartier pour aller aussi à la rencontre des personnes. Encore une fois, comme on sait qu'il y a ces dynamiques de précarité, voilà, on se débrouille pour aller dans des endroits bien popus comme on les aime et pour s'en sortir à moindre coût. Donc là, la prochaine permanence, ce sera le jeudi 2 et ça sera à FIV, lieu à déterminer encore pour l'instant, mais incessamment sous peu, ce sera fixé. Et pour voir du coup toute cette actualité et être un peu au courant des prochains rendez-vous et réunions moultes et diverses, eh bien, il faut nous suivre sur Instagram, c'est quand même là qu'on est les plus présents. Travailleuse de l'art 59. Voilà, c'est un nom un peu long, alambiqué, mais ça se trouve bien. Tout attaché, le petit logo rose et jaune avec un gros 59, vous pouvez pas le louper. C'est nous. Et sinon, autre événement hyper chouette où j'espère qu'il y aura plein de gens, ça va être trop cool, pour se remettre du 1er mai, où pareil, on aura une belle banderole rose et jaune, donc n'hésitez pas à passer nous faire un petit coucou en manif. Mais du coup, le 2 mai, pour se remettre un petit peu de nos émotions et puis pour continuer la lutte, l'air de rien, parce que ça ne s'arrête pas, ça ne se limite pas à une journée, on se donnera rendez-vous au cinéma L'Univers, rue Georges Danton, dans le quartier Moulin, où on diffusera le documentaire L'Effet Bahamas. Et voilà, ce sera une chouette opportunité pour se rencontrer, boire des coups et discuter autour de ce film sur la sécurité sociale des artistes auteurs. C'est quoi l'effet Bahamas? C'est quoi l'effet Bahamas? C'est le paradis fiscal, là. Ouais, j'ai pas vu le film, chut. Donc, j'ai pas le détail encore. Mais oui, c'est pour revenir un petit peu sur la sécurité sociale des artistes-auteurs et probablement qu'il y a une histoire d'exil fiscal ou de détournement d'argent dans le fond. Je pense que le titre est assez évocateur, à vous d'y mettre ce que vous voulez. Mais en tout cas, ce sera un petit voyage sympathique. Ça sera sympa de partager ça tous ensemble. Il faut y aller pour justement savoir plus. Tout à fait. Surtout que nous, on connaît bien l'univers. On projette aussi des documentaires depuis récemment. Fantastique. Et justement, c'est grâce au réseau Salaria qu'on a pu dégoter ce petit créneau à l'univers. Donc, sans nul doute qu'il y aura aussi des petits copains du réseau Salaria sur place. Ok, bon, on a encore un petit peu de temps. Oui, on voulait rajouter un petit mot sur le festival d'Angoulême cette année qui a été annulé. Et si tu peux dire quelques mots. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? On pense très fort à nos copains d'Angoulême. Je pense que tout ça a participé, je pense, à comment dire, cette petite, ces petits moments de joie qui font que c'est intéressant aussi de s'engager dans la lutte, c'est que, bon, d'une part, la PPL, certes, elle est tombée, mais elle a quand même été écoutée. Et il y a eu ce gros coup de tonnerre du festival d'Angoulême qui a quand même pas mal rebattu les cartes. C'est-à-dire que, alors, pour rappel, le festival d'Angoulême, le FIBD, il est tenu en fait par des maisons d'édition qui font des petits box où ils enferment leurs auteurs. Et dans ces box, les gens font la queue toute la journée pour chercher leurs dédicaces, acheter des livres, etc. Il faut savoir que les auteurs d'Angoulême sont très peu, très mal rémunérés, voire pas du tout, pour leur présence sur le festival, alors que le festival se fait beaucoup d'argent sur leur dos et que eux sont très clairement exploités. Là, cette année, il y a eu un gros ras-le-bol autour de cet événement et juste, il y a eu un boycott qui a été rebaptisé Girlcott parce que c'était aussi un mouvement féministe. Voilà, c'est un ras-le-bol généralisé où on essaie justement d'entretenir aussi la parité, puisqu'elle n'est pas toujours respectée, que les auteurs de BD les mieux rémunérés, qui, encore une fois, restent quand même très très pauvres, hein, on ne parle pas de rémunération exorbitante, les auteurs masculins restent tout de même mieux rémunérés que les autrices. Et voilà, un mouvement généralisé comme ça, où tout le monde a girl côté et où du coup ils ont dû très simplement annuler le festival. Donc il y a eu un petit festival alternatif qui s'est tenu à proximité avec des interlocuteurs locaux, enfin voilà, des acteurs du coin, donc un petit format plus respectueux de la profession, tout simplement. Et voilà, encore une fois, voilà. Après le Girl Cut, on n'a pas eu trop d'informations. Angoulême, c'est loin. Je ne connais personne là-bas. Mais bon, ça peut être un joli pèlerinage, je pense, à venir, que d'aller aussi à la rencontre et de se fédérer autour de projets communs. Le collectif, c'est ça qui nous fait du bien en ce moment. Donc, nourrissons-le Ah, j'arrive plus à parler. Voilà, il faut essayer de le protéger, de l'entretenir du mieux qu'on peut. On peut dire que pour l'année prochaine, il y aura un rapport de force un peu plus important pour se faire un peu mieux traiter, j'imagine. Oh, ben après la raclée qu'ils se sont pris, est-ce que seulement ils vont oser revenir? Je ne sais pas, mais ça risque d'être intéressant, voilà. Super, bon bah merci Fanny d'être venue, c'était super intéressant. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Un grand plaisir. Et on passe une petite pause musicale. Je t'ai rencontré par hasard. Sans se connaître, on s'est aimé, et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver, et tu croyais en ma bohème, mais si tu pensais à 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui depuis connaît toi et moi nous revient 7 fois par semaine, et nos soirées sans cinéma, et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours. Profites-en, mon pauvre amour. les belles années passent vite. Et maintenant, tu vas partir. Tous les deux, nous allons vieillir, chacun pour soi. Comme c'est triste. Tu peux remporter le phonou, moi, je conserve le piano. Ma vie d'artiste plus tard, sans trop savoir pourquoi un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès. Mais un peu triste, toi qui sais, tu lui diras que je m'en fiche. Et donc, c'était Léo Ferré avec La vie d'artiste. Et vous êtes bien sur Radio Campus, 106.6 MHz, campusville.com et DAB+. Et c'est l'émission Angle d'Attaque. Et maintenant, on va passer aux actualités d'Attaque. Eh oui, on va passer aux actualités d'Attaque. Alors, au niveau local, il y aura le 23 mars un ciné-débat de films citoyens au Frénois. Attaque Roubaix Tourcoing présente La Très Grande Évasion de Yann Kargoat, évidemment, vous le savez. Ce sera à 19h au Frénois, à Tourcoing, avec Taïna qui présentera. Taïna, oui. Mmh. Taïna qui est la présidente d'Attaque Roubaix Tourcoing. Autre ciné-débat, Soulèvement de Thomas Lacoste au Méliès, à Villeneuve-d'Ascq, donc le 27 mars à 20h. Je précise que c'est une carte blanche à Attaque ce soirée Soulèvement. Et bon, Thomas Lacoste est moins sûr que prévu. Troisième ciné-débat hors service, le film présenté par Attaque au Méliès passera à Dunkerque au Studio 43 comme d'habitude, en présence du réalisateur Jean Bouraron-Lajoux, que nous n'avons pas pu avoir au Méliès il y a quelques semaines. Mais par contre, nous avons eu Didier Delinotte qui sera présent à Dunkerque pour parler de la souffrance au travail et de son groupe de réflexion sur la souffrance au travail. Une manifestation antifasciste et antiraciste ce samedi après-midi, place de la République. Moi, j'ai noté 14h30. Tu notes 14h, Didier ? J'ai eu 14h, mais bon, c'est pas... Non, c'est pas grave. Donc, c'est le collectif Riposte, appelle notamment avec le comité des sans-papiers 59 et la LDH de Lille, qui fait appel à ce regroupement qu'on espère nombreux en cette veille de lendemain. De grandes journées, manifestations aussi en région avec la Solidarité Palestine le 28 mars à l'occasion de la Journée de la Terre, comme d'habitude, donc modalité lilloise à venir. Avant de passer au global, on va passer un peu au régional. Donc à Lens, l'association du Toit commun a l'intention de relancer le Salon du Livre d'Arras le 1er mai, donc c'est une information qui vient de sortir. Sinon, au global, donc la troisième volée de la formation économique Attaque Nationale ce week-end, des 28 et 29 mars, donc avec après deux visios qui ont été appréciés par les participants. Avec la présence remarquée de Didier Delinotte et de Jean-Jacques Touvenot, donc les copains de Roubaix et Tourcoing et de Villeneuve-d'Ascq. Effectivement. Alors le réseau Stop We Arm Europe Welfare Not Warfare, donc excusez mon anglais, dont Attaque fait partie, publie un manifeste pour un cessez-le-feu immédiat au Moyen-Orient et en Europe. Nous devons nous opposer, disent-ils, au tambour de guerre. Le choix est clair, investir dans les armes et la guerre ou investir dans les personnes et la paix. Nous choisissons la paix. Voilà qui est clair. Alors, une campagne d'interpellation en direction de la Commission européenne et du gouvernement français pour dénoncer l'application provisoire de l'accord Mercosur-UE, un scandale démocratique, et je pèse mes mots. Ensuite, le procès Geneviève Le Guay, donc cette militante d'attaque molestée par la police lors d'une manifestation des Gilets jaunes. En appel, l'avocate générale a confirmé les réquisitions contre le commissaire Sushi, qui avait ordonné la charge, comme quoi il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Ensuite, la mort de Suzanne Georges, dont on a déjà parlé, donc survenue le 19 février, qui a attristé les militants d'attaque. Une femme à la fois théoricienne de l'altermondialisme, essayiste de talent et activiste, qui a passé son temps à se battre contre les injustices contenues dans les traités de libre-échange et contre la domination de la finance. On peut lui rendre un dernier hommage. 13 000 millionnaires qui ne payent pas d'impôts sur le revenu avaient déclaré l'éphémère ministre de l'économie du premier gouvernement Lecornu, un certain Éric Lombard, donc en accord avec Bercy. Ce qu'a démenti Madame Amélie de Montchalin, mentant effrontément devant la représentation nationale. Attaque demande sa démission de ce poste pour ce qui apparaît comme un conflit d'intérêts majeur. Je peux rappeler que c'est Amélie de Montchalin qui a été nommée à la tête de... La Cour des comptes. Tout à fait. Justement. Donc, et qui va, en plus du coup de cet apparent mensonge, on peut rajouter qu'elle va, à la Cour des comptes, juger le budget qu'elle aura elle-même écrit dans son poste précédent. Et apparemment, ça ne choque pas. Et de toute façon, c'est possible. De ce côté-là, Macron a tous les pouvoirs. Donc une dernière information, c'est la publication du numéro 44 des Possibles, donc la revue du Conseil scientifique d'attaque. Elle vient de sortir, et la lettre aussi numéro 13 de l'espace écologie et sociale, qui traite, lui, de la crise agricole. Oui, ben j'ajoute pour ma part une publication dans Mediapart de notre adhérent au comité local de Lille, Patrice Grevet, sur un article assez long, comme d'habitude d'ailleurs. Changer la répartition, c'est une question qu'il pose, changer la répartition sans changer les buts et pouvoirs dominants dans les entreprises. Voilà, c'est une vision évidemment pré-post-capitaliste, si j'ose dire, mais qui est quand même vachement intéressante sur la notion d'économie d'entreprise sous un régime autre que celui que nous connaissons aujourd'hui. Et on va parler de la presse pas pareil. Donc, dans chaque émission, on essaie de vous sortir un article ou différents éléments publiés par des médias alternatifs et qui n'ont pas toujours assez de visibilité. Et cette fois-ci, on va parler de combat contre l'extrême droite. C'est le 26 février qui est sorti à l'initiative de 5 rédactions, L'Humanité, Street Press, Blast, Radio Nova et Les Inrecuptibles, un numéro d'un journal, magazine, qui a ensuite été réédité le 12 mars car il était épuisé. Donc il faut saluer une initiative qui implique plusieurs médias différents à l'heure de la presse Bolloré, de Arnaud et de Saadé, entre autres, qui saturent l'espace médiatique au profit d'un extrême-centre ou d'une extrême-droite. Donc là, on retrouve aux manettes un Mathieu Pigas à l'origine du projet. Il s'agit de provoquer une réaction à gauche en visant à l'unité devant une victoire de l'extrême-droite que les médias dominants nous présentent comme inéluctable au présidentiel 2027. Si Pigas, qui est un banquier d'affaires et propriétaire de groupes de presse, n'est pas précisément de nos amis, on peut néanmoins saluer son flair éditorial pour un numéro unique, dense, avec 80 pages de tribunes, de chroniques, d'interviews, des signatures prestigieuses, dont celles de Guillaume Meurice, Rokhaya Diallo, Blanche Gardin, Salomé Sacquet, Julia Cagé, Jamil Lechlag et Cyril Dion, pour se limiter aux noms figurant sur la couverture. Combat contre l'extrême droite, c'est donc un outil précieux, à nouveau en kiosque depuis le 12 mars, peut-être plus pour très longtemps. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer. Oui. En effet, donc, je témoigne aussi de la qualité de cet ouvrage. Et je vous parle donc du mois d'avril pour la prochaine émission avec Quentin. Donc, pas d'invité identifié pour l'instant, mais pour l'émission du mois prochain, on va parler du crash boursier de l'IA, s'il n'arrive pas entre aujourd'hui et la prochaine émission. Mm-hmm. En tout cas, il est en préparation. Il y a beaucoup d'éléments économiques et financiers qui sont très intéressants à étudier et on sent venir une situation très difficile qu'on va essayer de présenter et d'éclairer. crois que c'est un bon projet, bonne émission qui se prépare là. Tu as déjà pas mal bossé sur l'intelligence artificielle et les problèmes qu'elle pose. Et maintenant, c'est un problème financier. Donc, on va poursuivre ta première réflexion que tu as faite, que tu nous as fait l'honneur de faire en réunion du comité local. Oui, je vais rajouter un petit mot. Vous n'avez plus rien à dire, là. Pas le droit de dire ça. J'ai rajouté un petit mot sur la semaine antinucléaire qui est en cours à Lille du 18 au 22 mars. Donc au programme des projections, concerts, tables rondes, cantines, ateliers, spectacles. Et donc bah, vous pouvez retrouver tous les événements liés à cette semaine sur le site lille.demosphère.eu. Mais le programme est bien chargé ce week-end, donc n'hésitez pas. Absolument. Voilà, donc bien. On a tout dit. Bon, on vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve donc... Une bonne manif pour tout à l'heure peut-être. Oui, tout à fait. Et donc on se retrouve le 25 avril à midi, comme d'habitude. Entendu.